بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 28 بعد 100. 128 لسون. في السؤال 81 بعد 1000. 1080 كيستيون. متى يكون يوم عرفة؟ كيلا دات جو دو عرفة. Il s'agit de l'yom ta'asir min zil hijja. C'est le 9e jour du mois de zil hijja. D'accord? Le 9e jour du mois de zil hijja. Donc ça ne sert à rien de le calculer par rapport au mois lunaire. Cela se peut savoir lorsque le croissant de lune apparaît à la fin de Zul Qa'ada. Si c'est un 29e, le lendemain c'est le 1er. À partir de là, on se dit dans 9 jours, ça sera Arafah. Si jamais c'est le 30, ainsi de suite. Et souvent, ça mène à des relèves entre les pays. D'accord ? Et quoi qu'il en soit, il y a une fatwa de Cheikh Islam qui dit que même si on dit qu'il y aurait une erreur dans le calcul et que les gens se soient réunis en ce jour-là, que leur récompense de Arafat leur est accordée. D'accord ? Vas-y, on dit que bon, là, comme c'est en Mamlaka, c'est en Arabie Saoudite que cela se passe, pour les gens du Hajj, le rassemblement à Arafat. On dit par exemple qu'ils auraient commis une erreur de calcul, qu'ils auraient cru avoir vu la nouvelle entrée du mois n'a pas eu lieu, ou quoi alors qu'ils ne l'aient pas vu, donc ils ont retenu un jour alors qu'elle a eu lieu. Ce jour de Arafat où les gens seront réunis, leur récompense, on leur est comptée. Bihamdillahi ta'ala. Et quoi qu'il en soit, les gens, la fatwa la générale qui est que les gens suivent leur pays. Les gens suivent leur pays. Ils suivent, hein, ils suivent leur pays du fait que cela amènerait à des divisions et cela amènerait à des machakils qui sont facilement évitables. Donc le meilleur, si par exemple ton pays dit que Arafat c'est tel jour et que tu es en retard par rapport à d'autres pays, ou El Zalika, fais le jeûne avec les gens de ton pays. Naam. Thumma qala fi as-su'al al-thalith wa thamanin ba'd alf. 1083e question. Mata yakun yawm Ashura? Quand est-ce que le jour de Ashura a lieu? Il s'agit du 10e jour de Muharram. Le mois d'après. D'accord? Le 10e jour de Muharram. Et c'est la même chose. Par rapport aux dates, c'est la même chose. C'est la même situation. Et Ashura, Sunna, c'est de jeûner un jour avant. Pour contredire les Juifs. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a toujours jeûné Ashura. Même Quraysh jeûnait Ashura. Quand il est arrivé à Médina, il a continué à le faire. D'ailleurs, il a vu les Juifs le faire, il leur a demandé pourquoi ils le faisaient, c'était quoi la raison. Ils ont dit que c'était le jour où Moussa était libéré de Pharaon. Et il a dit, nous ahak, mais Moussa minkum, nous avons plus d'endroit de Moussa que vous. Et à la fin de sa vie, il a dit, la dernière année, si jamais je vis l'année prochaine, je jeûnerai le 9 également. Donc la sunna, c'est de jeûner le 9 et le 10, et pas le 11. La version qui est venue, qu'il dit, wa yuman ba'dahu, elle est faible. Donc la sunna, c'est soit le 9 et le 10, ou soit le 10 tout seul. D'accord? Soit le 9 et le 10, ou soit le 10 tout seul. Hada wa sunna kama qala al-ulama. Ala kulli sahih. Thumma qala fi su'al al-thalith wa thamanin ba'd alf, 1086e question. Ma awwal ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamah. Qui est la première chose par laquelle on juge les gens? Le jour de la résurrection. قال اول ما يحاسب عليه من حقوق الله الصلاه. En premier lieu, première chose pour laquelle ils seront jugés, ils rendront des comptes par rapport au droit d'Allah, c'est la salat. C'est la salat. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته. Rapporté par Tirmidhi, qui a dit la première chose pour laquelle le serviteur rendra des comptes le jour du jugement, c'est sa salat. Donc attention à l'importance de la salat. Et ne pas oublier que c'est le deuxième pays de l'islam et que pour l'authentique, celui qui la délaisse devient mécréant. Celui qui la délaisse volontairement, sans excuse, devient mécréant. Donc on sera jugé comment est-ce qu'il l'a faite. Est-ce qu'il l'a fait selon les conditions, selon les piliers, le temps. D'accord? Tout cela. Et que celui, justement, qui aura un ox dans son salat, il sera pris de son salat surrogatoire pour combler le manque dans son salat obligatoire. D'où le fait que les surrogatoires, c'est une protection pour nous. D'accord ? Elles ne sont pas un fardeau comme certains se l'imaginent, elles sont une protection. Car au moins, si demain, dans un surrogatoire, on va dire qu'elle tue un baisse de faux quelque chose, c'est elle qui prendra et ta salade obligatoire restera préservée. D'accord ? Car des gens, ils appellent ça également des épluchures. Les choses surrogatoires, ils appellent ça épluchures. Et que les obligations sont la pulpe. On leur dit, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, justement, l'épluchure, il est là pour protéger la pulpe. Quand tu as une orange, pourquoi elle a une peau ? Pour la protéger. Demain, si on mettait les oranges dans le marché sans peau, qui c'est qui les achèterait ? Personne ne les prendrait. Parce que tout le monde les aura touchées avec leurs mains, elles sont devenues sales. Donc l'épluchure, elle est là pour protéger justement la pulpe. Donc c'est leur théorie se retourne contre eux à ces gens-là. Non. Soumakal, ou min al-hukouk al-muta'allaka bil-makhlouqin. Et maintenant, la chose par laquelle ils seront interrogés en premier par rapport au droit des créatures, ce sont ad-dima, le sang, les vies. Comme dans le hadith d'Abdullah bin Mas'ud, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. Première chose qu'ils seront, pour laquelle ils seront jugés, nous rendons des comptes, le jour de la résurrection, ce sont les vies. Qui a tué qui, pourquoi, comment, ou qui a tué, qui a blessé qui, pourquoi, comment, et ainsi de suite. Et le hadith est mutawakkil alayhi. Donc des gens qui verraient les deux hadiths, ils ne comprendraient pas. Ils disent comment, il y a un hadith qui dit en premier c'est la salat, et l'autre qui dit en premier ce sont les vies. On dit il y en a un, c'est première chose des droits d'Allah. Et l'autre, c'est la première chose, des droits des créatures. Ce m'a quand même fait souvent la Sabia wa Samanin bar Elf. 1087e question. Oskur Khamsa min Fawaziq. Cite 5 parmi les animaux qu'on appelle Fawaziq, qui sont les pervers. Il y a le chien qui mord. D'accord, le chien qui mord. Al-Ghurab, le corbeau. Al-Aqrab, le scorpion. Al-Fa'ara, le rat et la souris qui est en dedans. Ou l'hidato, ou l'hidato, qui est le milan, c'est un oiseau également. Thumma, fi su'al thamin wa thamanin, bad elf, 1088e question, ma hukm azil khams, maintenant qui est le jugement de ces 5 animaux. Qala tuqtal fil hil wal hurm. C'est-à-dire qu'on les tue, même en étant en état de sacralisation, ou pas. Ces animaux-là, si on les voit, on les tue. Tant que cela n'a même pas un plus grand mal, bien évidemment. Par exemple, demain, tu es en France, il y a un chien qui appartient à quelqu'un qui mord. D'accord ? Tu n'as pas le tué toi. Tu auras des problèmes si tu fais cela. Par exemple. À part si tu attaques, tu es en légitime défense. Mais tu connais un chien qui mord les gens, par exemple, de ton voisin, tu vas pas aller le tuer. Tu vas faire plus de problèmes qu'autre chose, par exemple. Donc, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khamsoun min ad-dawab, kulluhunna fasiq. 5 parmi les animaux sont toutes considérées comme étant pervers. Fasiq. Yuktalna fil haram. Même dans le haram, c'est-à-dire quand tu fais le hajj, d'accord, tu peux les tuer. Qala al-ghurab, le corbeau. Al-hida'atu, le milan. Al-aqrab, le scorpion. Al-fa'aratu, le rat. Wal-kalb, al-akour. Et le chien qui mord. Également parmi les animaux qui sont à tuer lorsque l'on peut, c'est le chien noir, car c'est un shaitan. Le chien tout noir. Et Gazalik, si ton voisin a un chien tout noir, ne va pas t'amuser à aller le tuer. D'accord ? Ne va pas t'amuser à aller le tuer, tu vas faire plus de problèmes qu'autre chose. Ça, c'est en fonction de la maslaha. Après le contraire, il dit Fisouel Tassir wa Samanin, Bad Elf. 1089e question. اذكر أربعة من الدواب التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. Maintenant il dit 5 des animaux, ou 4 des animaux que le Nabi صلى الله عليه وسلم a interdit de tuer. 5 animaux que le Nabi صلى الله عليه وسلم a interdit de tuer. Il s'agit de النملة, la fourmi, النحلة, l'abeille, le hudhud, qui est, ils appellent ça le... C'est un pivert et dans le Coran, dans la traduction, il a donné un autre nom, j'ai oublié, c'est quoi. Hut, je crois, ou je ne sais plus. J'ai oublié le nom qu'il donne dans le... En tout cas, ça a servi également à un pivert. Et, Qal, Asurad, qui elle, c'est la pie, l'animal, l'oiseau qu'on appelle la pie. Et le dalil, c'est le hadith de Ibn Abbas. Radio Anou, إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 40 من الدواب. كل النبي صلى الله عليه وسلم interdit le fait de tuer 4 parmi les animaux. Les 4 que vous citez actuellement là. La fourmi, maintenant il y a la fourmi utensile. D'accord, la fourmi c'est celle qui ne nuit pas. Maintenant si dans ta maison, comme le dit Charles Lemine, tu vois des nids de fourmis qui sont envahissants et qui causent des dommages dans la maison, ou les alécas, tu peux les tuer. Ou les fourmis qui piquent, par exemple, qui sont dangereuses, qui font mal, tu peux la tuer. Maintenant, cela ne va pas t'emmener à tuer toute une fourmilière, comme cela fut dans le hadith d'un prophète alayhi salam, qui fut piqué par une fourmi en bas d'un arbre. Et de là, il tua toute la fourmilière, que Allah Azzawajal le reproche à cela. Qu'il a tué toute une communauté pour une seule fourmi. C'était injuste de sa part. D'accord ? C'était une erreur de la part de ce prophète. Il n'a pas été nommé. Qui est-il ? Donc, tant qu'il n'y a pas de problème, les fourmilières, on les laisse. Maintenant, si elles deviennent, comme on dit, envahissantes et encombrantes et causent des dommages dans la maison, là, c'est autre chose. Également, les abeilles, on ne tue pas les abeilles. D'accord ? Car les abeilles, elles produisent du miel et le miel fait shifa linnas. C'est un liquide qui contient des guérisons pour les gens. Le houdhoud, comme on l'a dit, qui est le pivert, je crois que c'est la huppe, c'est ça. Et dans le Coran, ils disent la huppe, enfin dans la traduction, et non pas la hutte. La hutte, là, c'est une petite maison, là, il est confondu. Et surad, c'est la pie. Maintenant, je ne sais pas si c'est la même pie qu'on connaît, l'animal noir, l'oiseau noir, là, qui est connu pour être qui vole les choses qui brillent. Car dans la traduction, j'ai trouvé une pie avec un mot particulier. Je ne sais pas si c'est la même chose. Allah ou ta'ala. Quoi qu'il en soit, tu vois une pie, tu ne la tues pas. Même si on dit que ce n'est pas la pie qu'on connaît, tu n'as pas à la tuer. Les animaux d'Allah, qu'Allah a créé, on n'a pas à les tuer sans raison. Maintenant, quel animal que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, il fait partie des animaux du paradis. Et il dit, « Al-Ghanam ». Alors, on aime tout ce qui est bovin, ovin plutôt, et caprin. C'est-à-dire tout ce qui est mouton et chèvre. T'as même ? Quand il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abi Hurayra, قال فإنها من دواب الجنة. Car ils font partie justement des animaux du paradis. Et également, il y a une baraka. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à. Am Sulaym, je crois, ou je ne sais plus quel sahabiyat, de prendre le ronam, qu'Allah fait une fille à Baraka, qu'elle contient une Baraka. Également, dans le hadith d'Abu Huraira, qu'il a dit que les gens, al-Sakina, tamam, hum, al-Ronam, les gens de la douceur, et également de la modestie, sont les gens des ronam, qui étaient les gens du Yémen à l'époque. Donc il y a beaucoup de fadl, beaucoup de mérite à être gardien de mouton. Et tous les prophètes ont été gardiens de mouton. Et quand on dit mouton, on parle de ronam. نعم ثم قال في السؤال 92 بعد 1000 1092e question ما هم اطول الناس اعناقا يوم القيامه qui sont ceux qui auront les plus longs coups le jour du jugement. Il s'agit des muazzinoun, ceux qui font la veine. Celui qui fait la veine aura un long cou يوم القيامه. Comme dans le hadith de Aïcha de Muawiya afwan رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم. Que les muazzinoun, ceux qui font l'appel à la salat, ce sont ceux qui auront le plus long cou le jour de la résurrection. ثم قال في السؤال 94 بعد 1000 1094e question. Fi ay yawmin tu'radu al-a'mal 'ala Allah. Quels sont les jours près desquels les actes, nos actes, c'est-à-dire la confiance cette dunya, sont exposés à Allah Azza wa Jall. Qala yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis. Qui sont le lundi et le jeudi. Le dalil hadith Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala tu'radu al-a'mal yawm al-ithnayn wa al-khamis. فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. Qu'il a dit, apporté par Tirmidhi, que les actes sont exposés à Allah le lundi et le jeudi. Donc il dit, moi j'aimerais que mes actes soient exposés alors que je jeûne. C'est pour que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le lundi et le jeudi, car des gens disent que ce n'est pas une sunnah. Par exemple, jeûner le lundi et le jeudi, et c'est une sunnah. Et ce hadith en est parmi les preuves. طيب سنقفنا اليوم والحمد لله رب العالمين.